Ok, bien le bonjour. Donc moi je me présente ou représente parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens que j'ai déjà vus ici. Donc moi je suis Émilie et je viens du CADTN, ça veut dire Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Donc l'objectif, il est dans le nom, comme ça c'est pas trop difficile. C'est l'annulation de la dette du tiers-monde. Donc c'était et c'est toujours notre dada, la question de la dette dans les pays du Sud. Mais vous n'êtes pas sans savoir ici, je pense que par là est passée une petite crise financière et économique qui nous touche de plein fouet ici, les pays du Nord. Et donc depuis, 4 ans maintenant, à peu près. On a commencé à s'intéresser très fort à la dette des pays du Nord. Et donc moi, aujourd'hui, cet après-midi, je vais essayer de vous donner des éclairages. Peut-être que certains, vous les avez déjà, mais j'espère pas tous, parce que j'espère que je ne vais pas servir à rien. Des éclairages sur les causes, surtout sur les causes de la crise de la dette au Nord et un petit peu sur les conséquences, même si là encore, les conséquences, à mon avis, vous les connaissez pas mal puisque vous êtes ici dans un collectif chômeur qui se bat contre les conséquences de cette crise. Alors pour commencer, je voulais vous proposer de revenir sur si on se demande à quoi est due la dette du tiers-monde, d'accord? Moi, je vais des pays du Nord. Je vais commencer par répondre à la question à quoi elle n'est pas due, et notamment. Notamment, vous parlez, alors je ne sais pas si vous suivez les médias, mais si vous suivez les médias, vous devez entendre que tout le monde nous dit que finalement, hein, si on a une dette si énorme, c'est parce qu'on a trop dépensé. C'est parce qu'on a vécu au-dessus de nos moyens, n'est-ce pas, hein, pendant des années et des années. Bah voilà, on a mangé notre pain blanc, hein, à un moment donné, je pense qu'il faut comprendre que les gens, bah, voilà, c'est ça quand on veut avoir un service social, etc. Quand on a une conjoncture économique qui va bien, d'accord, mais quand ça commence à aller mal, c'est normal, quoi. On a trop dépensé. Donc, juste un bête argument pour tordre le cou à cette idée reçue, c'est de tout simplement regarder ce qu'on a dépensé pendant toutes ces années. Et là, on a un petit graphique. Alors, je vais essayer de pas trop assommer de graphiques, mais il y en a quand même de temps en temps qui sont parlants et qui sont intéressants à voir. Et ce graphique, il montre l'évolution des dépenses. Là, c'est sur le cas de la Belgique, d'accord? Mais c'est le cas de la Belgique, on pourrait le multiplier puisque c'est le cas dans beaucoup de pays européens, dans la majorité des pays européens. On voit que depuis, donc là, ça commence à 1980, ok? Les dépenses publiques, elles représentent à peu près, elles sont relativement stables. Elles représentent un peu plus de 40% du PIB, c'est-à-dire le PIB. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est la richesse qui est produite en Belgique en une année, d'accord? Donc, on dépense un peu moins de la moitié de ce qu'on produit comme richesse chaque année. Ça va dans des dépenses publiques. Jusque-là, ça va? Or, si on regarde, à part quelques petites variantes, on est d'accord que c'est relativement stable. C'est même très stable. Et ce qui est important à dire, c'est évidemment, il y a des gens qui peuvent vous dire, maintenant, moi j'ai vu des chiffres et je peux vous assurer que les dépenses, elles ont augmenté. Parce que ces gens-là, ils se basent sur les chiffres absolus. Si vous voulez, si on regarde en nombre de milliards d'euros, ok, on a dépensé plus. Sauf que c'est ridicule de regarder le nombre de milliards sans regarder à côté le nombre de milliards qu'on produit comme richesse dans le pays. Et donc, si on se base là-dessus, là, on voit qu'en effet, on n'a pas dépensé plus que de raison. Donc, à un moment donné, on peut se demander, ok, mais alors si ce n'est pas dû au fait qu'on dépense trop, alors à quoi c'est dû? Je ne sais pas, une idée? D'un côté, on a les dépenses, et de l'autre côté, on a les recettes. Ok, donc on peut se dire, ok, éventuellement, quand on est un État, on ne peut pas toujours le comparer à un ménage, mais là-dessus, on peut le comparer. Il a des rentrées, d'accord? Et puis, il a des dépenses. Donc, là, on vient de regarder le côté des dépenses qui sert à construire des hôpitaux, à construire des écoles, etc., etc., des infrastructures. Maintenant, si on va du côté des recettes, bah, allons voir un petit peu ce qui s'est passé du côté des recettes. Et alors là, je vais encore vous mettre un graphique barbare, mais bon, de temps en temps, c'est pas mal quand même. Alors, le premier que je vous ai montré, c'est sur la Belgique. Je n'ai pas pris pour les autres pays, je n'ai pas une moyenne européenne, mais globalement, ça peut se répercuter sur d'autres pays, même si évidemment, il doit y avoir quelques contre-exemples ou peut-être dans certains pays, les dépenses ont un petit peu augmenté. Et donc, c'est une tendance, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les recettes? Ok, on est d'accord qu'il y a les impôts sur les revenus, par exemple, que tout le monde paye, et puis on a, je sais pas, des exemples d'impôts. La TVA, donc ça fait partie des impôts que tout le monde paye. C'est d'ailleurs un des impôts les plus injustes, n'est-ce pas? Puisque que vous gagniez 10 000 euros ou que vous gagniez 1 000 euros, tout le monde paye le même taux de TVA sur les produits. Donc on a ça. Et puis, là, il y en a un autre exemple sur l'écran. C'est l'impôt sur les sociétés. Et là, on remarque un phénomène tout à fait sympathique, c'est que depuis les années, alors là je sais plus quand est-ce qu'on démarre, mais je crois qu'on démarre dans les années 80. Si on regarde par exemple au niveau de l'Union européenne, d'accord, on va dire l'Union européenne à 27, c'est la courbe bleue, eh bien on voit qu'on a démarré à une moyenne de taux d'impôt sur les sociétés à du 38%, d'accord. Et on arrive à une moyenne actuelle d'environ 22%. Donc, en moyenne, les entreprises, d'accord, elles payent sur leurs bénéfices, c'est-à-dire sur les sous qu'elles se font, d'accord, elles payent une moyenne de 22%. Alors, déjà, ça fait une belle diminution. Si on veut regarder de manière un peu plus précise ce qui s'est passé dans chacun des pays, on peut voir la France, mettons, de 45 à 33. On peut voir celui dont on entend souvent parler, et d'ailleurs les instances européennes sont souvent là pour nous rappeler que quand même l'Irlande est un pays très compétitif et va vraiment dans le bon sens, puisque l'Irlande est passée de 1986, son taux légal d'impôt sur les sociétés c'était 50%, et que aujourd'hui, enfin en 2006 en tout cas, ils étaient à 12,5%. Voilà, donc c'est fort sympathique pour ces entreprises qui peuvent venir s'installer et ne payer que 12,5% d'impôt. Alors, on peut voir que de manière, enfin, ça reflète la courbe que je vous montrais juste avant, quoi. Évidemment, là, on voit que si la moyenne a baissé, c'est bien que dans chaque pays, ça a baissé de manière plus ou moins importante selon les pays. Et alors, on peut regarder, par exemple, la Belgique, où c'est qu'elle est, voilà. Et on peut se dire, bref, ça va, quoi. Alors, on était à 45% en 1986. En 2006, on était à 39,99%, et je pense que certains d'entre vous savent qu'aujourd'hui on est à 33, voilà. Donc on est pratiquement à 34%. Donc on peut se dire à la limite, bon allez, ça a baissé de 10 points, c'est vrai que c'est quand même, c'est vrai que c'est scandaleux, mais bon, à la limite, on n'a pas eu une baisse comme l'Irlande, à la limite. Sauf que, pardon? Et on est le plus élevé des chiffres que tu donnes. Oui, mais on est un des plus élevés. Sauf que ça c'est le taux légal, d'accord? Et ensuite, ça ne prend pas en compte tous les jolis cadeaux fiscaux qui sont faits aux entreprises et qui sont surtout faits aux très grosses entreprises. Si vous êtes une PME, une petite ou une moyenne entreprise, vous allez peut-être pas payer les 33, les 34% d'impôts, mais vous vous en rapprochez, d'accord? Mais plus on va dans des grosses entreprises et moins ils payent d'impôts. Et tout ça, pas parce qu'ils font au-delà de l'évasion fiscale qui est illégale, etc. Ils le font en toute légalité. Pourquoi? Parce qu'on a mis une série de mesures qui permettent aux entreprises d'échapper à l'impôt. Alors je pense, il y a le plus connu. Évidemment, c'est les intérêts notionnels qui permettent aux entreprises d'échapper. Alors là, je dois avoir un chiffre pour, je ne sais plus si c'était pour 2010 ou quoi, les intérêts notionnels qui avaient un coût brut de 5,6 milliards d'euros. Donc 5,6 milliards d'euros, je sais que quand on parle de milliards, ça commence à faire « Ouh là là, mais qu'est-ce que ça représente tout ça ?» Mais par exemple, si on pourrait le comparer à, quand, vous vous souvenez, fin 2011, là, quand le gouvernement s'est formé, on a dit « Ah oui, il nous manque, pour boucler le budget, il nous manque 13 milliards d'euros. » D'accord ? Donc on peut imaginer que, par exemple, avec les intérêts, on supprime les intérêts notionnels, on a déjà trouvé plus de la, enfin, à peu près la moitié de cette somme. Voilà. Alors bon, là, je sais que là-dessus, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de ça, mais pour ceux qui ne le seraient pas, on peut reprendre les exemples assez emblématiques d'ArcelorMittal, qui, alors c'était en 2010, je crois, a payé moins de 500 euros d'impôts sur ses bénéfices. Donc je vous propose de comparer avec éventuellement les impôts que vous payez. On a Electrabel qui, eux, c'est le pompon, ont payé 0 euros d'impôts. Et il y a bien d'autres exemples, et pour ça, ben, je vous propose, si vous ne connaissez pas ce rapport, c'est Marco Vanès, nous, qui est à la fois un militant du PTB et en même temps qui travaille au ministère des Finances, et donc qui a fait toute une recherche là-dessus et qui a fait le listing, en fait, de toutes les sociétés qui payent le moins d'impôts. Et il a trouvé, notamment en trifouillant là-dedans, un chiffre aussi qui est quand même bien intéressant, c'est que sur ces 33,99%, donc sur ces 34% d'impôts légaux, eh bien les 1000 entreprises qui ont le plus de bénéfices, d'accord, qui font le plus de bénéfices, elles ont payé une moyenne de 5,76% d'impôts. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'on est quand même bien bien loin des 34% d'impôts légaux. Voilà. Alors pourquoi je vous explique ça? Ouais. Je voudrais te poser une question parce que tu as commencé par dire pour les recettes, donc pour les dépenses, qu'on ne tienne pas compte de. Enfin, tu l'as fait pas en pourcentage, mais en chiffre réel. Est-ce qu'ici aussi, en chiffre réel, les recettes ont vraiment diminué au-delà des pourcentages? Au-delà des pourcentages? La même chose pour qu'on ne nous dise pas oui, en pourcentage, mais en fait, en vrai. Ouais. Alors j'ai pas les chiffres là, mais dans le bouquin que Olivier vient d'écrire, en tout cas sur la Belgique, sur la dette belge, il y a des données qui permettent de voir, et il y a des gens qui continuent à faire des recherches pour bien montrer, mais en tout cas, enfin, pour être allé à une de ces formations la semaine passée, c'est avéré que clairement ça fait un manque à gagner pour l'État, ces diminutions de recettes en chiffres réels, quoi. Par laquelle les multinationales s'exonèrent d'un impôt. Je crois qu'il y a notamment, enfin, il y a deux autres dispositifs qui rapportent encore plus. Notamment le fait que je pense que les bénéfices sur vente d'entreprises ne sont pas taxés. Okay. Mais après, entreprises peuvent se vendre des. Enfin, ils ont toutes les astuces où ils se vendent. C'est vrai que je parle des intérêts notionnels parce que c'est souvent un qui est repris parce qu'il est emblématique, parce qu'en plus, enfin, il est vraiment illégitime. Enfin, je ne vais pas rentrer dans l'explication des intérêts notionnels parce que c'est un peu tordu, mais il faut savoir que ça repose sur quelque chose de totalement infondé, puisqu'on part du principe, en gros, que les États que les entreprises ont emprunter leur capital. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'ils n'ont, pour la plupart, et en particulier les grosses multinationales, elles n'empruntent pas leur capital, elles l'ont déjà, et on estime qu'elles payent des intérêts sur ce capital et qu'elles peuvent s'exonérer de ces intérêts. Donc, c'est ça le principe, et c'est pour ça que, notamment, il est assez emblématique et souvent repris par les grands syndicats, parce qu'il est particulièrement scandaleux. Mais en effet, je pense qu'il y en a plein d'autres, et en tout cas, quoi qu'il arrive, quand vous êtes une multinationale, une grosse entreprise, tous se dotent d'un conseiller fiscal, n'est-ce pas, qui est et même d'une équipe de conseillers qui vous permettent de trouver tous ces petits tuyaux dont tu parles, qui sont en fait des virgules si tu cherches dans la loi, qui te permettent de dire si je fais cette astuce, alors je peux me retirer de l'impôt. Toujours est-il que qu'est-ce que ça fait? Je vais aller encore un petit peu plus loin avant de vous dire ça. Au-delà de l'impôt sur les sociétés, donc qui est un gros manque à gagner pour l'État, il y a la question de l'impôt sur les revenus. Et sur les revenus, surtout des plus riches. Ok. Donc moi j'ai appris il y a la semaine dernière, à vrai dire, que dans les années, je crois fin septembre, mi-septembre, il y avait 13 tranches de revenus imposables et qu'aujourd'hui on en a plus que 5 et on a fait sauter de nombreuses tranches d'impôts sur le revenu. Et donc avant de parler de leurs impôts et de combien ils payent d'impôts, on voulait se poser la question de qui on parle quand on parle des riches. D'accord, parce que souvent, et ben nous notamment, on fait parfois cette formation dans les milieux syndicaux, et parfois, enfin, on remarque que les gens ont tendance à se dire, ah ben ouais, mon voisin qui a 2 voitures, c'est vraiment un gros riche. Ben nous, on se dit, en effet, on peut se poser la question de où démarre la richesse, etc. Mais en tout cas, nous, on voulait dire que quand on parle des riches, on parle des très très riches, et notamment, on a pris là les grands patrons. Des grands patrons de Belges, donc par exemple Monsieur Carlos Brito. Donc ça c'est pour les revenus en 2010, n'est-ce pas Monsieur Brito? Il s'est fait 7,69 millions d'euros. Donc c'est le patron d'Imbev, donc la Jupiler et autres. Et donc ce monsieur, il s'est fait 7,69 millions d'euros sur l'année. Et il y a des gens qui se sont amusés à compter à combien ça revient, à combien d'équivalent SMIC, donc d'un salaire moyen pour un Belge. Eh bien, pour un Belge moyen, disons, qui gagne un salaire moyen, il lui faut 418 années de salaire pour arriver au revenu de Monsieur Brito en un an. Et lui, voilà, il attend, il regarde sur son ordinateur, voir et tout. T'as bien bossé? Tu bosses bien, sinon je te vire. Allez, bisous. C'est des revenus d'extraction, c'est pas des revenus. C'est ses revenus globaux. Alors, c'est pas que. Non, non, je pense pas. C'est ses revenus, donc on doit compter là-dedans aussi. C'est stock options, etc. Tout ce qui peut se faire en termes de revenus financiers. En plus de se lier à son activité précise. Donc bon, j'ai pris celui-là, voilà. Donc nous, évidemment, on aime bien rappeler aussi ceux de Monsieur Mariani, qui était à l'époque le CEO de Dexia, donc le chef de Dexia, qui s'est quand même fait 2 millions d'euros dans l'année. Donc voilà, quand on voit ce qu'est devenu Dexia, etc., c'est quand même tout de même un peu interpellant. Donc ça, c'est pour dire, voilà, de qui on parle quand on parle des très riches. Maintenant, revenir sur comment a évolué leur impôt à eux. Eh ben, il a évolué comme ça, c'est-à-dire un peu comme l'impôt sur les revenus des sociétés, franchement à la baisse, où on a là encore, il faut voir, c'est plus ou moins scandaleux en fonction des pays. Là, la Belgique, c'est pas mal. Oui, il taxait beaucoup, beaucoup. Il taxait de 70 à 72% en 1986. Et donc, on est maintenant à du 50%. Donc, pour la tranche de revenus la plus élevée, on est d'accord, là. Et donc, on pourrait se dire, mais attends, être taxé à 70%, c'est scandaleux, c'est vraiment énorme. Mais là, on parle de gens qui se font vraiment bonbons, quoi. Ils se font beaucoup d'argent, quoi. Et il faut savoir quand même, et ça, c'est un argument qui est souvent repris, mais on peut le redire une énième fois, qu'aux États-Unis, qui est quand même pas le pays le plus... socialiste, voilà, on est loin, même si quand même il y en a qui traitent Obama de communiste, c'est assez rigolo. D'ailleurs, comme nos patrons flamands actuels qui sont en train de dire que la Belgique est gérée par est un régime marxiste. Ça serait sympa de relire les classiques, mais bon. Et donc, il faut savoir qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les revenus les plus élevés aux États-Unis, ils étaient taxés à 90%, quelque chose de cet ordre-là. Donc, bon, on est loin d'être dans un truc scandaleux quand on est à 72%. Vas-y. C'est 72% sur la tranche la plus élevée. Oui. Sur toutes les autres tranches, ils payent moins. Donc, en moyenne, ils ne payent pas 72%. Ils ne payent pas et ils ne payent pas 50%. Non, mais la tranche la plus élevée. Mais pas l'ensemble des ménages. Non. L'impôt, il est payé par tranche. C'est-à-dire que de telle somme à telle somme, tu payes. Oui, oui, oui. De telle somme à telle somme. Mais le revenu de Mariani, sur la première, il est taxé par tranche. C'est-à-dire sur la première tranche de revenu, il est taxé à 25% comme moi. Sur la deuxième partie, de telle somme à telle somme, de son revenu. D'accord. C'est 25%. Et puis la 35% sur une autre partie, la 40% sur une autre. Et la dernière fromage qui est au-delà de je ne sais plus combien, je ne connais pas les chiffres par cœur, il est taxé à, donc maintenant, la tranche que vous avez vu en Belgique est taxée à 50%. Mm-hmm. Ce qui veut dire que sur le total de son revenu, il n'est pas taxé à 50%. D'accord, oui, oui. D'accord. C'est encore moins que ça. Donc, ouais. Ok, donc, bon, tout ça pour revenir sur quoi ? Ben, sur un des premiers arguments pour nous de où vient la dette. Ben, elle vient du fait que forcément, à un moment donné, si vous avez des dépenses constantes, mais que vous avez des recettes qui baissent, à un moment donné, ça fait quoi ? Ça fait un déficit, n'est-ce pas ? Et que comment on comble un déficit ? On comble un déficit par l'emprunt. Et donc, nous, ce qu'on explique, c'est que depuis la fin des années 70, il y a eu cette chute des revenus, et notamment pas de n'importe quel revenu, puisqu'on n'a pas baissé la TVA, a priori, mais c'est bien les impôts sur les plus riches ou sur les grandes sociétés qu'on a baissé et qui font un manque à gagner. Ça, c'est un premier argument. La deuxième chose, c'est que font ces riches avec cet argent ? Ils le gardent pas précieusement dans leur coffre, ils le laissent pas dormir, parce qu'il faut savoir que le capitaliste n'aime pas laisser dormir l'argent. Il faut le faire travailler, son argent. Et donc, que fait le capitaliste qui a beaucoup, beaucoup de sous et qui a encore plus de sous parce qu'il paye pas beaucoup d'impôts? Eh bien, il prête de l'argent à l'État. Et donc, avec cet argent, il investit notamment dans la dette publique. Et l'État, on est d'accord que cet argent qu'il emprunte à ces riches-là, là-dessus, ils payent des intérêts. Ok. Donc ça, c'est, on va dire, une première cause d'endettement et qu'on pourrait appeler une cause d'endettement historique, d'accord ? Puisque c'est ce qui s'est passé, enfin, on pourrait revenir à la préhistoire, mais en tout cas, disons, depuis le virage néolibéral, c'est une des causes de l'endettement. Paf, paf, toi. Oh. Ok, et alors, une deuxième, je ne sais pas si vous avez une idée d'une deuxième cause d'endettement qui est plus récente, qui est fort récente d'ailleurs. Salut. Exact. Le renflouement des banques. Donc là, je vous ai parlé depuis les années 80, hein, on a quand même un endettement qui commence à grossir, et puis paf, on arrive en 2007, explosion de la bulle spéculative, et donc ce qu'on a appelé la crise des subprimes. Je ne vais pas rentrer dans ce que c'est la crise des subprimes aujourd'hui, mais si jamais il y en a qui sont intéressés, on a une petite animation pour expliquer ce que c'est un subprime. Mais en tout cas, ça explose, et on se retrouve avec des banques qui sont dans la mouise, et avec des banques qui ont une dette privée, donc qui sont endettées énormément. Que font ces banques ? Toc, toc, toc, elles viennent frapper à l'État, et elles disent, écoute, mon Jojo, je suis dans la merde et il s'avère que je suis too big to fail. Too big to fail, ça veut dire quoi ? Je suis trop gros pour chuter, trop gros pour tomber, parce que, tu sais, maintenant, on est dans une économie mondialisée, systémique, et donc si moi, je chute, alors c'est l'économie entière qui va s'écrouler et chuter. Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup ? La plupart des États qui auraient pu faire un autre choix, ou du moins qui auraient pu soit laisser tomber certaines banques en protégeant les épargnants, soit faire payer la crise aux grands actionnaires, etc. Mais ce n'est pas ce que la plupart des États ont décidé de faire, excepté peut-être l'Islande, mais la plupart des États, eux, ils ont décidé de renflouer les banques. Alors je vais donner juste deux chiffres qui sont un peu parlants, même si on pourrait en donner bien plus. On a le cas de l'Irlande qui est assez énorme puisqu'ils ont renfloué de 70 milliards, d'accord ? Or, leur dette à eux, elle était de 47 milliards en 2007 avant la crise et elle est passée à 148 milliards avec ce sauvetage bancaire. Donc, c'est une explosion de leur dette publique due au sauvetage bancaire, notamment anglo. Donc, il y a des mouvements de résistance là-bas pour dénoncer anglo et le sauvetage de ces banques, mais pour le moment, jusqu'à présent, ça n'a pas été suffisant. Et puis, le deuxième cas, c'est la Belgique, évidemment, où on a eu KBC, Dexia, Fortis et Ethias. Les quatre ont été renfloués par l'État. Donc, je ne vais pas rentrer dans comment exactement ils ont été renfloués. Il y a eu une part d'injection de capital, une part de prêt, etc. Mais sans rentrer dans le détail, ce qui est sûr, c'est qu'entre 2007 et 2009, la dette, elle a augmenté de 50 milliards, d'accord ? Donc, on est actuellement à peu près à 360 milliards. Donc, On était à un peu plus de 300 milliards avant la crise en 2007. Et donc, elle a augmenté, paf, entre 2007 et 2009, de 50 milliards. Et sur ces 50 milliards, c'est avéré, c'est la Banque nationale qui le dit, donc voilà, on se réfère à eux, à leurs chiffres officiels. Et les chiffres officiels disent qu'il y a la moitié de ces 50 milliards, donc 25 milliards, qui sont dus au renflouement des banques. D'accord ? Ça va ? Vous froncez les sourcils, là ? Donc, sur une augmentation de 50 milliards de la dette, on a la moitié qui est due au sauvetage bancaire. Donc peut-être qu'ensuite, quand on débat, on pourra discuter de exactement comment ce sauvetage bancaire s'est passé, etc., etc. Ici, je propose de ne pas rentrer maintenant tout de suite dans le détail, mais on pourrait en parler. Et ensuite, je vais vous proposer, pour venir sur une troisième cause de l'endettement des pays européens, je vais vous proposer qu'on fasse un petit truc participatif. N'est-ce pas ? Je vais vous proposer qu'on parte sur un vocabulaire commun, puisque je sais pas, peut-être que tout le monde maîtrise à fond ce vocabulaire, mais peut-être pas. Je vais vous distribuer quelques termes, et je vais vous proposer qu'on les définisse ensemble. Donc d'abord que vous discutiez à quelques-uns sur qui sont-ils. Tac, tac. Donc je vous donne, je sais pas moi, 5-10 minutes pour vous dire, ok, sur ces termes-là, voilà ce que je connais. Ok, on s'y met ? Donc je vous propose qu'on revienne, donc pour être sûr que pour la suite, on soit tous avec le même vocabulaire, on ait tous le même bagage. Je vous propose qu'on revienne sur les mots que je vous ai proposés. Alors vous aviez dette publique et titre de la dette publique, ben juste pour vous, c'est quoi ? Vous aviez peut-être les plus faciles. C'était dette publique et titre de la dette publique. Mais la dette publique, c'est la dette due par l'État aux banques. Et alors, dans dette, on disait qu'il y avait sans doute un capital plus des intérêts. Mm-hmm. Et le titre de la dette publique, on n'en a aucune idée. Ok. En effet, alors il faut savoir que la dette, elle n'est pas forcément détenue que par des banques. D'accord. On peut s'endetter auprès de banques, mais on peut s'endetter aussi auprès d'autres États, par exemple. On peut aussi s'endetter auprès de particuliers. D'accord. On peut demander aux épargnants de dire, votre épargne, vous pouvez l'investir dans de la dette publique. On peut aussi s'endetter auprès d'institutions multilatérales, ce qu'on appelle. Et d'ailleurs, on va en découvrir quelques-unes, je crois, ici, notamment. Enfin, une en tout cas, par exemple, le FMI et la Banque mondiale sont des institutions multilatérales, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays là-dedans et ils peuvent vous prêter de l'argent aussi. Et quand je dis un État peut s'endetter auprès de banques privées, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la dette commerciale, auprès d'autres États, c'est ce qu'on appelle la dette bilatérale, et auprès d'institutions internationales, multilatérale, ce qu'on appelle la dette multilatérale. Ok. Les dettes auprès des particuliers dont tu parles, c'est ça qu'on appelle les obligations ? Oui, et surtout les bons d'État, en fait. Oui, voilà. Et donc, c'est là, ça vient sur le titre de dette publique, où justement, disons qu'avant, beaucoup d'États, ils comptaient pour emprunter sur les particuliers et les épargnants ou à la limite des entreprises qui auraient envie d'investir dans de la dette publique. Et donc, ça passe par des bons d'État. Donc ça, par exemple, la Belgique, actuellement, ça représente environ 3% de sa dette. C'est assez ridicule. Ça, c'est ce qui est auprès des épargnants. C'est les bons d'État qu'ils proposent aux épargnants. C'est ce qui a lieu, il n'y a pas... Voilà, souvent. Alors, par contre, ils en font une grosse pub. Comme si, d'un seul coup, tous les Belges... Bah oui, vous comprenez, on est obligé de rembourser la dette parce que c'est tous les petits Belges qui détiennent cette dette. Mais en réalité, les bons d'État, c'est bien 3% de la dette publique. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ce sont que des riches qui détiennent tout le reste, mais ça veut dire que ce sont des institutions... qui peuvent être en effet beaucoup des banques, comme j'ai dit, des États, etc. Mais c'est beaucoup des institutions financières, beaucoup des banques, et aussi éventuellement des hedge funds, des fonds de pension, par exemple. Et c'est là aussi que, par exemple, un fonds de pension, il peut investir dans la dette publique, et que donc, il y a une partie, c'est vrai, qui peut éventuellement retomber sur le citoyen. Mais ce qui pose la question du fonds de pension et de comment on finance sa pension, quoi. Est-ce qu'on le fait par capitalisation, le troisième pilier dont on pourrait parler et qu'on peut remettre en question, ou est-ce qu'on continue à avoir une pension qui est mutualisée, etc. Et donc un titre de la dette publique, c'est ce que l'État propose, mais qui dépend des marchés financiers. Il propose un certain nombre de titres de la dette publique qui peuvent être achetés par des institutions financières ou des pays, etc. Ça va ? Donc un titre de dette publique, c'est un montant. C'est un petit papier, c'est le petit papier sur lequel vous avez écrit « Ok, je détiens un titre de la dette publique qui vaut tant, par exemple qui vaut 1000 euros, d'accord, et que j'ai obtenu avec un taux d'intérêt de, mettons, à 6%. » Ça veut dire que, par exemple, je peux avoir un titre de la dette publique à 10 ans, d'accord, de 1000 euros, avec un taux d'intérêt de 6%. Ça veut dire que chaque année, je vais avoir 60 euros, puisque c'est un taux d'intérêt de 6%, 60 euros, 60 euros, 60 euros, 60 euros, et à la 10e année, je vais récupérer en plus des 60 euros mes 1000 euros. Puisque par contre, c'est pas comme quand vous achetez votre maison, le titre de la dette publique et de la dette publique, c'est on vous rembourse le capital à la fin. D'accord ? Donc, on est d'accord ? On gagne 60 euros, 60 euros, 60 euros et 1060 euros la dernière année. Donc ça, c'est pour des titres à 10 ans. En gros, on a des titres à 10 ans, souvent à 6 ans, à 3 ans. Et on a des titres de la dette publique à très court terme qui peuvent être à du 3 mois ou du 6 mois ou des choses comme ça. Il faut que les 1000 euros continuent à rapporter les 60. C'est pour ça qu'on les a qu'à la fin. Je ne sais pas. Mais c'est 60 euros par an. C'est juste le loyer de l'argent pendant. Les 60 euros sont augmentés, mais c'est 1000 euros. Enfin, en tout, ça fait un peu plus quand même. Après 10 ans, ça fait plus que. Ah oui, voilà, c'est un investissement, quoi. Si c'est sur 10 ans, si c'est sur 3 ans, c'est pareil. Une chose importante, c'est quand même que les titres de la dette publique, c'est ce qu'ils sont considérés comme, enfin, les plus sûrs, logiquement. Quand on n'est pas dans une crise, c'est logiquement ceux qui sont considérés comme les plus sûrs, puisque logiquement, on part du principe qu'un État ne peut pas faire faillite, puisqu'il n'a pas une fin de vie comme vous et moi, puisque un État, il continue à vivre indéfiniment. Alors ensuite, allons voir, éventuellement les banques privées. Banque privée, qu'est-ce que c'est pour vous ? Les banques, tu demandais ce qu'on comprenait par banque. Ouais. On s'est dit qu'à la base, c'était un organisme qui était chargé de récolter les dépôts des particuliers. Ouais. Et puis de les prêter après à l'économie. Quoi. Exact. Ça a dérapé récemment et que c'est devenu des institutions qui spéculent pour leur propre compte, quoi, et qui prennent un peu en otage du coup l'argent des particuliers. Mais ouais. Disons que c'est ça, en fait, historiquement, elle est là pour collecter l'épargne, d'accord, et pour prêter de l'argent aux ménages ou aux entreprises. Et ensuite, une troisième fonction, c'est qu'elle peut rendre des services financiers. Et c'est, on va dire, à ce niveau-là que ça part un peu en cacahuète et que, en effet, mais là, on va pas revenir sur toute la dérégulation parce que ça pourrait être une formation en soi. Mais disons que post-Seconde Guerre mondiale, on avait mis un cadre assez strict au niveau des banques en disant il y a les banques d'épargne d'un côté qui font juste ces fonctions-là et puis il y a les banques d'investissement qui ont droit de jouer en bourse et que petit à petit jusqu'à maintenant on a fait râper la barrière entre les deux et qu'une banque entre banque de dépôt et banque d'investissement que ça commence à sérieusement se mélanger. C'est pour ça qu'une banque comme Dexia, par exemple, elle a pu investir dans les subprimes, investir dans des produits qui sont très risqués. C'était un argument des banques pour demander l'aide de l'État, parce que sinon, ils pouvaient prélever dans les économies des gens. Oui, oui, ça c'est clair que du coup, c'est une très grosse force pour eux, et ça compte dans ce « too big to fail ». Là, c'est aussi cette idée de dire, vous voyez, notre banque, elle repose sur l'épargne de tout le monde. Donc si vous nous laissez couler, c'est l'épargne de tout le monde qui coule. Voilà, mais ça, à une certaine époque, étant donné qu'entre banque d'investissement et banque de dépôt, il y avait vraiment une frontière franche, c'était pas possible. Voilà. Voilà, pour les banques privées. Et ensuite, je ne sais pas, on peut continuer. Alors oui, évidemment, j'ai pas précisé, mais une banque privée, ça s'oppose aussi à une banque publique. Une banque publique, logiquement, pour répondre à ses fonctions, mais sans nécessairement tenter de se faire du profit, alors que bien évidemment, une banque privée, son intérêt à elle, c'est de faire du profit. C'est d'ailleurs pour ça que ça dérape. Actuellement, on a Belfius, qui est donc Dexia, la partie qui a été rachetée, elle est détenue à 100% par l'État. Mais l'histoire, c'est que c'est pas le tout d'avoir une banque publique. L'idée, c'est d'avoir une banque publique qu'on utilise vraiment et qu'on gère comme une banque publique. Or là, on n'a rien changé de la façon de changer. On n'a rien changé au niveau du conseil d'administration, au niveau des règles. Et en gros, l'État belge, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir revendre, que la situation aille un peu mieux, pour revendre au privé. Mais donc ça, c'est une histoire de volonté politique après. On pourrait avoir un État qui décide d'avoir une banque publique dont il se sert vraiment. D'ailleurs, on pourra en reparler à un moment donné. Et en fait, donc l'État a décidé ça sans consulter. Que ce serait privatisé, donc genre le crédit communal de Belgique, etc. Ben oui, c'est des décisions du gouvernement. Alors ensuite, d'aucuns vous diront « Oui, mais ils étaient élus par le peuple et donc... vous n'avez que ce que vous méritez. » Mais ensuite, on pourrait débattre longuement de savoir la volonté populaire, etc., et dans quelle mesure on n'est pas un brin manipulé, etc., etc. Voilà, on pourrait en reparler. Je crois que ça ne va pas marcher. Peut-être que si. Ouais. Oui, c'est lié au sauvetage. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, dans les sauvetages, il y a eu de l'injection de capital, il y a eu des prêts aussi. Et donc, en effet, Fortis et Dexia, en partie, remboursent une partie à l'État. Donc, c'est évidemment ce que Renders met en avant tout le temps en disant « Mais vous voyez, en fait, ça nous rapporte tout ça. » Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que au moment du sauvetage des banques, on est d'accord, l'État, ce que je vous ai dit que ça avait fait augmenter la dette de 25 milliards, d'accord, cet argent, ils l'avaient pas dans leur caisse, parce que on a déjà une dette et donc on emprunte chaque année, donc c'était pas dans le matelas de l'État qu'ils ont pris en disant allez les banques ça va. Non, pour prêter cet argent aux banques privées, ils se sont endettés eux-mêmes auprès des banques privées. Voilà. Ils ont emprunté auprès des mêmes banques, d'accord ? Et sur ça, évidemment, ils payent un taux d'intérêt. Mais par contre, Renders a raison de dire qu'une partie a été prêtée et donc qu'elle est remboursée. Mais déjà, ils n'ont pas forcément très bien négocié les taux d'intérêt et les conditions vis-à-vis de ces prêts. Ils auraient pu dire aux banques, je te mets un bon gros taux d'intérêt. Ils auraient pu négocier des choses qu'ils n'ont absolument pas fait. Je vais essayer de pas aller juste trop loin parce qu'il y a des choses qui viendront dans les explications un peu plus tard. Et on pourrait continuer avec la Banque centrale. Alors l'idée c'est de parler des fonctions d'une banque centrale et éventuellement de la Banque centrale européenne, même si on y reviendra à sa spécificité à elle. Exact, très bien. Alors oui, alors c'est très bien. Donc les États doivent... Ouais, mais tiens, je voulais l'expliquer, mais c'est bien, comme ça sort tout seul, c'est parfait. Donc en effet, donc une banque centrale, ses fonctions, c'est en effet d'imprimer la monnaie, d'accord, les billets, tout ça. C'est en effet de fixer le taux d'intérêt, mais alors eux, on appelle ça le taux directeur, d'accord. Ça s'appelle le taux directeur. Et une fois qu'on a, ils vont donc prêter de l'argent aux banques à un certain taux directeur, et ensuite ça fixera évidemment, si vous avez un taux directeur de 3%, les banques ensuite elles vont pas prêter à du 3% parce qu'elles se font du bénéf là-dessus, donc elles vont prêter à du 4, à du 5, d'accord. Donc c'est lié à ça. ensuite, elle a donc Elle a pour fonction également de superviser le respect des règles sur les marchés financiers. Et comme je vous l'expliquais tantôt, vu qu'il n'y a plus de règles, elles n'ont pas grand-chose à superviser. Et enfin, le rôle, elle a aussi un rôle de prêteur en dernier ressort, en cas de crise ou de problème. Sauf que, évidemment, comme tu l'as expliqué, et on y reviendra, la Banque Centrale Européenne ne prête pas aux États, d'accord ? Chose que la Banque d'Angleterre, la Banque centrale en Angleterre, on appelle ça la Banque d'Angleterre, et la Fed, donc c'est la Banque centrale des États-Unis, eux prêtent aux États, d'accord ? Ils prêtent directement aux États. Comme les banques nationales le faisaient en Belgique, et donc, bon, en fait, ça va plutôt. Voilà. À chaque fois, j'en fais pareil. En fait, vous dites tout, quoi. Mais c'est bien. C'est très bien. Hop là. En fait, en effet, ces banques, avant, c'était les banques nationales. On est d'accord? Sauf que on a construit l'Union européenne. Sauf que l'Union européenne, vous n'êtes peut-être sûrement pas sans savoir qu'on l'a pas construite. Ouais, on l'a pas. Ouais, ici, ouais. On l'a pas construite sur des bases, sociales, etc. Et donc, et même pour beaucoup d'économistes et même des économistes relativement libéraux, c'est une aberration que de s'être empêché de prêter directement aux États. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas On va y revenir. Oh là là, mais vous savez tout déjà, laisse tomber. Non, non, pas tous. Ok. Mais donc, mais très bien. Mettons maintenant les États européens. Ouais, les États de la zone euro. Il y a des États qui n'utilisent pas l'euro comme l'Angleterre. Par exemple. Et donc, combien il y a d'États qui utilisent, sais-tu, l'euro en... Donc, en gros, on est... on est 27 au sein de l'Union européenne. Et donc, a priori, il y a 17 pays qui sont dans la zone euro, qui utilisent l'euro comme monnaie. Il y a quoi, par exemple, qui n'utilise pas l'euro? Il y a la Norvège, il y a plusieurs pays... Hein? Ah oui, non, il y a le... Alors, attends. Il y a la Suède. Il y a la Suède. J'ai pas la liste. Ouais, c'est bien possible. Parce que la Hongrie est dans l'Angleterre. Ah oui. La Hongrie, elle est dans la zone euro. La Roumanie. Ah, c'est possible. Ouais, elle est pas dans l'euro. Ouais. Mais j'avoue, j'ai pas la liste exhaustive dans la tête, quoi. Si, ouais. Donc il y en a 10 autres, enfin 9 autres qui n'ont pas accepté, ou qui n'ont pas accepté, comme l'Angleterre, et comme il y a quand même un ou deux autres pays qui n'ont pas accepté de rentrer dans la zone euro. Et les autres pays, c'est parce que leurs critères ne leur permet pas de rentrer dans la zone euro, puisque pour rentrer dans la zone euro, il y a toute une série de critères fort sympathiques. On pourrait aussi en parler, mais on va pas parler de tout non plus. Ouais, en fait, c'est nul ici, c'est nul, ça ne va pas. Ouais. Bah, je sais pas, c'est peut-être pas très grave. Bah ouais, je vais en avoir besoin. Ok. Ouais, mais ça va être... Ou alors, faudrait qu'on vire la table, mais bon, sinon, tant pis. Sinon, tant pis. Mais c'est pas grave, enfin, ça va le faire, c'est pas grave. Ok. Donc on pourrait poursuivre éventuellement avec le FMI. Ah oui, ben on peut placer le déficit public, c'est assez facile vu ce qu'on a déjà dit. Vas-y. Grosso modo. Voilà. Voilà. Et donc, en général, pour combler un déficit, on requiert à l'emprunt, et donc c'est ça qui fait augmenter la dette publique. Ou on augmente les recettes, ou on... Voilà, exactement. Il y a une troisième option, que je sais, c'est comment je dis le fait, je ne sais plus, qui a fait brûler les Templiers, puisque les Templiers arrêtent la tête. Tu as regardé les vidéos de Fakir. Alors, il a fait ce qu'on appelle une saignée. Une saignée, oui. Donc, il a dit que ses créanciers étaient des hérétiques, il les a fait brûler, et il n'a plus. À vrai dire, ça a été, la saignée a été beaucoup, beaucoup utilisée dans l'histoire. Maintenant, on dit que c'est barbare. Alors bon, on le fait plus comme ça. Mais... Ah, voilà, maintenant, mais on dit que c'est barbare de saigner les riches, mais pas les pauvres. voilà. Ensuite, avançons avec le FMI. Allons-y, le FMI. C'est plus lourd. Oui, je sais. C'est le Fonds monétaire international. Et donc, c'est une institution qui... Mais de toute façon, il faudrait que je les déplace. C'est pas très grave. Tant pis. Ouais. Le but, c'est de prêter aux États quand ils ont un problème de balance de paiement. De balance budgétaire, oui. Okay. Et malheureusement, ils prêtent évidemment sous conditions très dures. Ok, donc en gros, c'est ça. C'est les États, en fait, qui contribuent au fonds. Le fonds, après, quand le pays est en crise, il dit, je veux bien prêter, parce que tu n'as plus accès au marché financier, ou peu importe. Mais alors, je prête sous condition. Est-ce qu'il existe des États au monde, ou en tout cas, qui sont de FMI, qui ne sont pas endettés? À Cuba. Non, il y a Cuba. Cuba est un des seuls pays à ne pas faire partie du FMI, qui n'est pas dans le FMI. Ça n'a pas toujours été. Oui, enfin, si tu veux. Oui, je pense qu'ils ont pratiquement toujours tous les États. Non, mais tous les États n'ont pas toujours été endettés. Il y en a peut-être qui. Mais si, je pense que si. Mais sauf que, et ça, on pourrait en reparler. L'endettement, c'est pas forcément un problème. D'être qu'un pays soit endetté, ce n'est pas forcément un problème. On entend toujours dans les massures qu'il y ait que des États endettés créent un fonds pour prêter à des États endettés. Et tout à l'heure, c'était quoi le massure? C'était des États endettés empruntent aux banques pour renflouer des banques endettées. Oui, oui. Oui, mais ce qui est surtout, enfin, moi je pense à retenir au niveau du FMI, au-delà, c'est d'une, de, enfin, c'est surtout les conditionnalités qui sont liées au prêt. Et donc, s'il parle de ça, c'est parce que nous, ça s'appelle le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et donc, ça fait bien longtemps qu'on connaît cette bête-là, puisque en Europe, ça fait pas très longtemps qu'elle est arrivée. Mais par contre, dans les pays du Sud, ça fait très longtemps qu'elle est là et qu'elle s'est pointée en disant, nous, ce qu'on veut, c'est vous prêter de l'argent, surtout pour que vous remboursiez les créanciers privés, d'accord, en priorité, sous condition de... plan d'ajustement structurel, et les plans d'ajustement structurel, c'est vraiment kiff-kiff bourricot avec des plans d'austérité. Donc on reviendra un peu plus tard peut-être sur ce que sont des plans d'austérité, mais je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Juste vous dire que le FMI, juste avant la crise qu'on est en train de connaître, ça allait pas fort, mais alors pas fort du tout. Pourquoi ? Parce que dans les pays du Sud, ils avaient notamment une conjoncture un petit peu plus favorable. En gros, le prix des matières premières avait réaugmenté un petit peu, leur permettait de rembourser le FMI et pour certains de le rembourser de façon anticipative, notamment des pays émergents, etc., qui voulaient surtout se libérer de ces conditionnalités et qui ont dit « Ok, on va profiter du moment où ça va bien pour payer de façon anticipée le FMI pour se débarrasser de lui ». Et donc, en gros, juste avant la crise, ça allait vraiment pas fort, à tel point qu'ils commençaient à virer des fonctionnaires au FMI. Et ouais, c'était la crise pour eux. Et en fait, la crise leur a permis de retrouver une deuxième jeunesse, puisque le G8 et le G20 a décidé de le relégitimer et de dire bah, « l'un des acteurs du sauvetage de la crise, ce sera le FMI ». Ça va ? Ok, on peut continuer éventuellement. C'était quoi la première partie encore ? Quand le FMI, justement, est presque en faillite, qu'est-ce qui a provoqué cette presque... C'est le fait que beaucoup de pays ont remboursé de façon anticipative parce que justement ils voulaient plus être sous la coupe du FMI. Et notamment, je pense, c'est beaucoup des pays émergents donc qui ont commencé à avoir une meilleure santé. Je pense au Brésil ou à l'Argentine, ça allait encore très fort, mais eux, ils ont arrêté de les payer pendant un moment, comme ça, c'était clair. Ou des pays comme ça émergents qui ont du coup essayé de rembourser vite pour ne plus avoir affaire à leur conditionnalité. Il y en a qui n'en ont pas voulu. Je pense notamment à un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Thomas Sankara. C'était un dirigeant du Burkina Faso, qui avait des idées un petit peu trop rouges pour le FMI et la Banque mondiale, et notamment qui a fait une allocution à l'organisation de l'Union africaine, voilà, c'est ça, qui a dit en 1986 ou 7. Qui a dit en gros, nous devons refuser de payer la dette, et pour toute une série de raisons, je vous conseille son allocution, parce que c'est vraiment, je pourrais vous la montrer même à la fin, parce que c'est vraiment très fort, et quand on la regarde maintenant, on se dit, c'est éclairant de vérité sur la situation qu'on est en train de vivre nous. Il disait en gros, il appelait les autres pays africains à faire une union sacrée, contre la dette, un front uni contre la dette pour ne pas payer la dette. Et en gros, il a dit une phrase, il a dit « si je suis seul à refuser de payer la dette, je ne serai pas là l'année prochaine ». Et en effet, l'année prochaine, l'année d'après, il s'est fait squeezer. Et les conditions de son assassinat sont évidemment très, très obscures, etc. Donc, en tout cas, il avait a priori un discours qui plaisait pas trop à certaines personnes, notamment au FMI, à la Banque mondiale et aux dirigeants occidentaux en tout cas. On peut peut-être continuer avec agence de notation. Alors, entreprise privée. Très important de débuter là-dessus. Qui cote, nous pensons, qui cote la fiabilité économique et financière en termes notamment de capacité de remboursement, donc des États et ou d'entreprises. Avec des cotes qui partent de la plus, le poste AAA+, et puis on n'était pas trop sûr de jusqu'où ça peut descendre. Oh, je sais même plus, mais en tout cas, à partir d'une certaine note, il faut savoir que ça va vraiment plus fort. Il ne faut pas descendre bien bas pour que ça aille pas fort. À partir de C, ça commence à aller mal. Ouais. Enfin, même tu peux être à du BB+, comme la Belgique, je crois, et avoir déjà des soucis. Dans les B, dans les bons, le AA c'est très bon, B bon, C moyen, D ça va faire la chute. Après, D c'est la chute. Quels sont les critères? Et c'est à partir de ces cotes, notamment, que les prêteurs donc, fixent les taux d'intérêt aux emprunteurs. Et donc, notamment, c'est cette. Les vacances qui, du coup, vont influer sur les taux que les États, auxquels les États vont pouvoir emprunter auprès des banques privées. Pour préciser que, selon Inside Job documentaire, notamment dans les agences de notation, certaines corruptions pourraient avoir eu lieu. Non. Pensez-vous. Et je pense avoir entendu dire qu'elles avaient notamment dit que Warner Bros. S'était en très bonne, se passait très très bien juste avant qu'il s'écroule et qu'il y ait la crise des subprimes. Voilà, on peut préciser aussi qu'elles peuvent, en tant qu'entreprise privée, spéculer sur les effets de leur propre dynamique. C'est-à-dire qu'elles savent, puisqu'elles savent que si elles baissent la cote d'une entreprise, l'entreprise va devoir emprunter des taux d'intérêt élevés, elles sont en première ligne pour savoir là où les taux d'intérêt vont être décembre, en fonction de leur cotation, donc là où elles peuvent placer elles leur propre argent. Donc elles sont complètement liées par. Ok. Donc, Ouais, mais c'est ça. Enfin, de toute façon, t'as dit l'essentiel. Moi, je suis pas une spécialiste non plus des agences de notation parce qu'il y a beaucoup à savoir là-dessus. Mais je crois que l'essentiel à retenir, c'est bien ça, c'est de bien montrer que c'est une organisation donc qui est payée par des entreprises privées. Donc c'est comme si vous étiez un peu en classe, n'est-ce pas, et que vous payez votre maîtresse pour vous faire noter. Voilà. C'est... Ben, qu'elle, voilà, leur expertise. Hein? C'est le PIB ou... Ben, non, parce que, en fait, donc, comme tu disais, ils peuvent noter donc, des États, des entreprises privées, des collectivités locales aussi. Il faut savoir qu'elles sont notées par les agences de notation. Mais. Pardon, j'ai mangé ta question, je suis désolée. En fait, les critères, mais à vrai dire, je ne sais même pas exactement. Ils évaluent la bonne santé financière et pour ça, ils doivent prendre plusieurs choses. Pour un État, oui, j'imagine son PIB, mais oui, j'imagine aussi l'état de ses exportations. J'imagine qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Mais en effet, c'est relativement. Une analyse de risque. Oui, mais pour savoir. Dans ce pays-là, mais pour juger de ça. L'investissement est sûr. Mais pour juger de ça, ils utilisent beaucoup de critères. L'état des banques, par exemple, d'un pays. Est-ce que les banques espagnoles sont en bonne santé? Et donc, dans ce cas-là, bah, on va savoir dans quelle mesure aussi l'État va être susceptible de continuer à assurer le remboursement, étant donné qu'une banque privée qui va mal, elle a tendance à frapper à la porte d'un État. Donc voilà, ils prennent en compte toute une série de critères, et à partir de ça, ils te pondent un AA+, AA, B, C, point. C'est intéressant quand même de savoir, par exemple, est-ce qu'ils prennent en compte le nombre de grèves qu'il y a eu dans un état l'année précédente. Mais en fait, la cotation, c'est la solvabilité pour les créanciers. Et donc, je crois que je vais faire. Paradoxalement, on peut améliorer la solvabilité d'un créancier si ça relance l'économie. Mais voilà, ils prennent le bilan comptable, mais après, c'est tout le problème de la comptabilité moderne. C'est que dans la comptabilité, tu as plein de valeurs, et les valeurs, qu'est-ce que ça vaut? Ça renvoie à d'autres valeurs, puisqu'ils ont des actions, que ce soit des États ou des entreprises. Et donc, c'est une science un peu magique d'évaluer la solvabilité en créancier de l'entreprise. Mais quelques mois avant les subprimes, c'était à part. Mais oui, ben comme le disait Thierry, Lehman Brothers, on disait que il n'y avait pas de problème, très bonne santé financière, aucun problème de défaut de paiement. Et donc c'est ça qui montre, enfin une des solutions aussi, c'est de dire que les agences de notation, tout simplement, on pourrait ne pas s'en occuper, d'accord, et décider aussi que, alors malheureusement dans le jeu actuel, voilà, c'est pas du tout la, mais si les États décidaient de pas s'intéresser à ça, et surtout, mais on est d'accord que ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent pas le faire tant qu'ils continuent à se financer via les marchés financiers, puisque ces agences de notation, elles régissent sur les marchés financiers par rapport aux marchés financiers. Donc, le problème... Oui, c'est ça. Donc, imaginons, par exemple, que la Belgique décide de tourner ses financements vers les bons d'État, dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'elle décide de dire, bah, je vais demander à mes épargnants... Alors, on pourrait dire pour des pays, ça pourrait être difficile, mais par exemple, en Belgique, on sait qu'il y a un taux d'épargne très important, donc on pourrait dire, bah, je vais me tourner beaucoup plus vers mes épargnants. Du coup, si je fais ça, le marché financier, je m'en tape le coquillard, quoi, quelque part. Ok. Ouais. Ok. Ah non, il nous reste... Troïka. Troïka. Alors, je pense que... Entre autres, mais ça a plusieurs définitions. Ça désigne un pouvoir à trois têtes, si je me trompe. Mm-hmm. Et ce serait, ça désigne trois instances internationales qui ont un rôle dominant dans la gestion de la dette en Europe. Alors, lesquelles? Donc là, on n'est pas trop sûr. L'Allemagne, la France. Je pense qu'il y a la Commission européenne, représentée par M. Barroso, la BCE par Draghi et le FMI par Christine Lagarde. Et c'est un sans faute pour votre équipe. oui, en effet, c'est bien ça, le monstre à trois têtes, c'est bien les trois têtes du monstre, exactement. La chose pour autorité, moi, je ne suis pas très totalement d'accord. Thierry, je pense que Draghi est italien, moi je pense qu'il est grec. Il est italien. C'est un copain à Mario Monti, et d'ailleurs, tous deux sont des anciens de Goldman Sachs. Voilà, et donc ils sont même nationalité et même entreprise. Voilà. Et on va finir par austérité, même si on va y revenir à mon avis. Mais... Mais ça, je pense que ça devrait aller, on va être d'accord. C'est nous qui l'avions, bah oui, c'est ça, on en a parlé, c'est les coûts budgétaires et toutes les restrictions qu'on impose aux États pour rembourser leurs dettes. Après, stricto sensu, c'est une politique pour dire aucun, pour rééquilibrer les comptes et qui passe en général par la coupe dans les dépenses, même si on peut faire d'autres types d'austérité, mais en général, c'est ça qui est privilégié. On pourra peut-être revenir un peu plus tard sur des exemples, des cas concrets d'austérité, même si on peut déjà prendre la Belgique, puisque il paraît que nous, ils appellent ça rigueur, d'accord ? Puisque il faut savoir que il y a des phénomènes où ils aiment bien changer les mots, parce qu'il y a un mot, au bout d'un moment, il est trop nauséabond. Donc, par exemple, ça s'appelait plan d'ajustement structurel, mais si on appelle ça de nouveau comme ça, ça pue trop, ça a une histoire trop lourde. Donc, on s'est dit, on pourrait appeler ça austérité, tu vois ? Mais le gouvernement belge, il a dit, non, mais nous, on fait pas de l'austérité comme en Grèce, attention, nous, on fait de la rigueur. Ça n'a rien à voir. Mais donc, on est bien d'accord que derrière tous ces termes, c'est bien la même logique qu'on retrouve, quoi. Donc, merci pour ces définitions. Si je récapépète, oui, ça ne va pas fort, là. Ouais, en gros. Ouais, on va mettre comme ça. Yeah. Donc en gros, pour récapituler mais des phénomènes que vous nous avez pour beaucoup déjà expliqués, on a une banque centrale et on pourrait se dire « Ah ouais, en plus que t'es grand pitou. » Sois fort, petit scotch. Mais j'ai pas du gros scotch. Ok. Donc on est d'accord, on a une banque centrale, d'accord, ou bien une réserve fédérale des États-Unis, ou banque centrale. On est au moment de la banque centrale d'Angleterre, donc banque d'Angleterre, au moment de la crise, d'accord, qui débute, les banques se cassent la gueule, et donc que font ces banques centrales ? Eh bien, elles baissent leurs taux directeurs et arrosent de liquidité, comme on appelle ça. Donc, ils prêtent de l'argent pour pas cher du tout. C'est-à-dire que pendant longtemps, on va dire, la banque centrale, elle avait un taux directeur que je crois qu'il était aux alentours de 3%. Enfin, c'était pas le cas avant la crise, mais ça a longtemps été comme ça. Mais en tout cas, là, elle est passée plutôt à du 1%. Alors, maintenant, actuellement, elle est à 0,75. Et elle a été longtemps à du 1, je crois. Et la Fed, eux, ils ont carrément eu un taux directeur de 0,25, donc ils prêtaient de l'argent quasiment gratuitement, quoi. Donc ils ont mis des liquidités énormes. Et alors, c'est là toute la question, est-ce qu'ils ont mis des liquidités énormes au service des États ? Pour la Fed, donc oui, pour la Banque d'Angleterre aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça, enfin ils ont fait aussi ça, mais ils ont fait les deux, ils prêtaient aux deux. Par contre, et c'est ça que tu as très bien expliqué, ici en Europe, la Banque Centrale Européenne, elle s'est retirée les capacités de faire ça depuis Maastricht, et ça a été repris dans le traité de Lisbonne. Et donc, pour eux, c'est interdit, n'est-ce pas, interdit de prêter directement de l'argent. Si c'est la question, on va y revenir. Non, elle prête de l'argent d'où ? Une banque crée l'argent. Oui. La BCE prête l'argent qu'elle crée. Ah ouais, non, j'aime pas du tout cette question, parce que là, ça devient... parce qu'il y a plusieurs... Enfin, hein, Martin ? Envie de répondre là-dessus ? C'est vrai, comment est-ce qu'elle prête, effectivement ? Moi, si je... Comment est-ce qu'elle prête, la BCE ? Parce que moi, si je prête 1000 euros à Karine, c'est parce que j'ai baisé ces 1000 euros. Ah ben, en l'occurrence... Elle n'a pas l'argent. Elles ne peuvent pas faire avec l'argent. Je peux bien avoir les emplois, c'est ça. Elle crée de l'argent, c'est ce qu'on appelle la planche à billets, mais peut-être qu'il y en a qui... Parce que je crois que... À partir de la dette des États ou à partir de la dette des entreprises privées. Non. Mais les liquidités qu'elles sont, je comprends. C'est ça, c'est la... Mais non, mais ce qu'il faut être sûr, c'est qu'il n'y a pas autant d'argent qui circule, de billets, qu'il y a d'argent qui circule. Voilà. Par exemple, la banque, quand elle te prête de l'argent, tu dis qu'elle a l'argent dans ses coffres, mais non, en réalité, elle a, alors je crois que c'est autour de 10%, peut-être un peu moins ou un peu plus, il y a Bâle 3, il y a une nouvelle réglementation qui arrive, mais disons en gros, qu'elle détient 10% de ce qu'elle prête réellement. Mais ça, c'est pour les banques. De, oui. D'argent. Voilà. Oui, maintenant, les liquidités. l'argent virtuel, quoi, c'est ça. Oui, si on veut. Est-ce qu'elle ne compte pas sur ce qui va lui revenir? Elle compte sur le fait qu'il y aura toujours de la croissance, etc., et que donc elle va avoir un retour, puisque entre ce qu'elle prête et ce qu'elle se fait prêter, il y a toujours un flot continu. Mais c'est donc ça, évidemment, le problème, c'est que si à un moment, craque, il y a un problème dans la machine, là, ça devient très problématique. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise des subprimes. C'est comme... Non, une banque centrale, elle peut en effet créer de la liquidité, oui. Elle peut créer de la monnaie à condition qu'une banque publique, privée ou n'importe, a un compte à la banque centrale. Une banque, quelle qu'elle soit, elle a un compte à la banque centrale. Ce compte à la banque centrale qui lui donne droit à profiter de la création, de monnaie centrale. Donc elle obtient la banque de premier ordre, c'est la banque centrale, la banque de second ordre, c'est les banques, qu'elles soient publiques ou privées. Mm-hmm. Elles ont un compte à la banque centrale qui leur donne droit d'avoir accès à la monnaie centrale qui s'échange sur le marché interbancaire, et c'est sur ce marché interbancaire que sont décidées le taux auquel on va faire le crédit. Et donc, c'est sur ce marché-là qu'on détermine le montant, entre guillemets, de la création monétaire. Puisque le taux directeur de la monnaie, le taux directeur de la banque centrale va s'exprimer sur ce marché interbancaire et donc va se traduire par un taux d'intérêt pour les emprunts bancaires des banques de second ordre qui va donc déterminer quel va être le volume de création monétaire. Parce que si plus le taux d'intérêt est élevé, moins les gens vont emprunter, que ce soit les entreprises ou des particuliers. Oui. Donc, donc la création monétaire est déterminée par le taux d'intérêt directeur fixé par la banque centrale sur les marchés interbancaires. Marchés interbancaires dans lesquels ne peuvent s'échanger que de la monnaie centrale et des titres de la dette. Mais donc, ouais, mais par contre, on est d'accord que par exemple, la Banque centrale, à un moment donné, au moment de la crise, elle a décidé de mettre 500 milliards ou 1000 milliards à disposition. Mais donc là, c'est elle qui crée cet argent. Oui, mais que. Elle a la possibilité, de manière exceptionnelle, de revenir un peu à des méthodes qui se passaient avant. Où on créait de la monnaie pour enflouer les résultats et tout ça. Donc ça, c'est de manière exceptionnelle. Théoriquement, dans son fonctionnement normal, la banque centrale n'est pas censée créer de la monnaie en dehors des cadres du marché interbancaire et donc des taux directeurs fixés. Ouais, vas-y Dominique. Donc je vais voir l'impact. Elle prête aux banques à condition que les banques aient un certain pourcentage. L'obligation de réserve fractionnelle. Oui, voilà. C'est 1 pour 10. Alors, 10% dont tu parlais. Voilà. Non, je sais plus, il faut que je revoie la vidéo là. Moi, la création monétaire, ça me sort par les trous. En fait, l'idée, c'est pas que si tu as mis 10 euros dans le compte, tu n'as pas le droit à. Ce que je veux dire, c'est pas aussi. C'est pas parce que tu mets. C'est pas les dépôts qui font les crédits. C'est l'inverse. C'est-à-dire que plus tu émets le crédit, plus tu dois déposer à la banque centrale. C'est pas plus tu déposes à la banque centrale, plus tu as le droit de faire des crédits. Oui. C'est l'inverse. Mais comment est-ce que plus tu émets des crédits, plus une banque délivre un crédit. Plus tu vas aller à Dexia, plus Dexia va te dire que tu fais des crédits, plus elle va devoir mettre en sécurité un pourcentage de ce qu'elle a émis comme crédit. Oui. Voilà. Pour recréter 10 euros, elle doit mettre 1 euro en sécurité. Voilà. Quand elle a prêté 10 euros, elle doit remettre 1 euro. C'est pas... Quand elle met 1 euro, elle a prêté 10 euros. C'est la même chose. Parce qu'elle prête et après... Et après, du coup, la banque centrale lui dit « Ah oui, mais pour autant de crédit, tu dois mettre tant dans mes poches. » Ça va ? Voilà, j'avais pas envie qu'on aille là-dessus, la création monétaire, c'est horrible. Vous avez le monde qui a fait une petite vidéo celle que comment elle s'appelle, c'est celle que tu as oui, je l'ai regardé. Du dessin, du monde, je crois que ça s'appelle comme ça, et il me semble que c'est assez clair. Sinon, il y a l'argent dette, et bon, l'argent dette, c'est hyper long et pas du tout clair, à mon avis. Et oui, les dessins du monde, je trouvais ça assez clair. Justement, l'objectif, il avait essayé de trouver ça, de faire ça en dessin. Ouais, ouais, vas-y, regarde. Mais il y en avait une autre que tu avais conseillée dans ta fiche, là, je sais pas quoi. Tu sais Et ça, ouais, je pense qu'il y a moyen de la retrouver. Parce que je l'ai regardée, je l'ai trouvée assez claire aussi, celle-là. Ouais, pas mal. Ok, donc si on revient à des trucs plus que la création monétaire, parce que c'est vraiment... C'est la Banque Centrale, on est d'accord, elle prête. La Banque Centrale Européenne, elle prête uniquement aux banques privées, qui elles-mêmes ensuite prêtent aux États. Ce qui se passe, c'est que une fois que la crise des subprimes a explosé, n'est-ce pas, les banques privées, elles se sont plus dit tiens, j'investirais bien dans l'immobilier, puisque ça venait de se casser la gueule l'immobilier. Donc elles ont commencé à investir dans d'autres éléments. Elles ont notamment spéculé sur les matières premières. Voilà, c'est-à-dire qu'elles s'amusent, elles font mumuse à dire le blé ça coûte tant et puis ensuite ça coûte tant et puis tout ça, ça a des répercussions très concrètes sur les gens, mais elles spéculent là-dessus. Elles ont spéculé sur les devises et elles ont aussi spéculé sur les dettes publiques. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elles disent les dettes publiques, donc là on est juste après la crise des subprimes, elles se disent les dettes publiques c'est très chouette quand même parce que c'est très sûr. À ce moment-là, elles se disent ça, d'accord ? Elles se disent il faut investir là-dedans parce que c'est du public, donc on sera toujours remboursé, quoi. Ok ? Mais là, elles empruntent, n'est-ce pas ? Elles prêtent, n'est-ce pas ? Plus à du 1%, mais à du 3, 4, 5%. Et donc là, les taux, ils varient en fonction de si tu prends des titres à 3 ans ou à 10 ans. Les taux, dans ces cas-là, varient. Et évidemment, ils varient en fonction de, on va dire, ta répute, justement, ta réputation liée aux notes des agences de notation. Okay ? Donc, à ce moment-là, on prête. Il faut voir que les États européens, ils sont dans quelle situation ? Pour les États européens occidentaux, à ce moment-là, ben, on l'a vu dans la première partie, ils sont déjà endettés pour deux choses. C'est que il y a la résultante de la politique fiscale. Enfin, nous, ça, c'est notre point de vue, mais je pense qu'il commence à être partagé par quand même beaucoup de gens. Et il est une résultante aussi du sauvetage des banques. Okay ? Donc ça, c'est les raisons pour les États européens qu'on appelle occidentaux, enfin les plus forts, on va dire, l'Allemagne et ceux du Nord, les Pays-Bas, etc. Maintenant, pour les États qu'on appelle de la périphérie de la zone euro, donc notamment le Portugal, l'Espagne, la Grèce, eh bien, il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a les deux qu'on vient d'expliquer, mais il y a aussi le fait de la construction européenne et le fait qu'il y a à la base un déséquilibre commercial. Pourquoi ? Parce que, notamment, l'Allemagne, dont on nous fait l'éloge très souvent, on nous dit « mais l'Allemagne, c'est vraiment fantastique » et tout. Eh bien, il faut savoir que l'Allemagne, ils ont depuis le début des années 2000 du moins, mené une politique salariale à la baisse, d'accord ? Donc on a, je sais plus, je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 8 millions de travailleurs précaires qui gagnent du 400 ou 600 euros par mois, enfin vraiment une broutille en Allemagne. Et donc, cette politique salariale vraiment maintenue à la baisse, ça leur permet d'être très compétitifs. Et qui dit très compétitif dit qu'ils peuvent exporter beaucoup de produits. Et ils exportent notamment beaucoup en Europe. Bref, ils ont ce qu'on appelle une balance commerciale excédentaire, positive. D'accord ? Mais ça, évidemment, c'est au détriment d'autres pays européens. Et notamment les pays de la périphérie qui, eux, ne basent pas leur économie là-dessus et qui donc ont depuis plus d'années encore un déficit structurel qui est lié à ça, au fait qu'ils ne sont pas du tout compétitifs. Ça va ? Donc à ce moment-là, évidemment, les États européens se voient accorder beaucoup de prêts et notamment même en Grèce, on sait qu'il y a eu des émissions de titres de la dette publique où la Grèce demandait un certain montant et en fait les marchés leur en proposaient encore plus. Parce qu'à ce moment-là, ils voulaient absolument des titres de la dette publique. Et on a vu même des États qui s'endettaient finalement plus parce qu'on leur proposait des taux encore relativement avantageux, etc. Donc, ils le faisaient. Sauf que toutes ces conditions font que les États commencent à être fort, fort endettés. Et là, c'est là notamment que les agences de notation rentrent en jeu, puisqu'elles vont, elles, commencer à coter à la baisse et à dire que certains pays ne sont peut-être plus si solvables que ça. Sauf que ça n'a pas, comme on le disait, juste valeur de il est moins bien coté, puisque quand on est moins bien coté, on voit ses taux d'intérêt augmenter. Donc, plus on est pauvre, plus les intérêts. Voilà. on le mettra peut-être un peu plus tard, du coup. Ok. Donc, les taux d'intérêt, ils augmentent. Donc, on a du mal à se refinancer. Bref, on arrive à un moment donné à un risque, ce qu'on appelle de défaut de paiement. D'accord ? C'est-à-dire, on arrive au moment où on se dit, si ça se trouve, un pays comme la Grèce, il va plus être en capacité de rembourser. Or, là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y en a qui commencent à avoir sacrément les miquettes. Alors, pourquoi ils ont les miquettes ? Pourquoi ils ont peur ? Et notamment, là, on peut se souvenir de monsieur, de notre petit Sarkozy, là, notre petit Nicolas, qui courait partout avec madame Merkel et qui disait, oh là là, ça va pas du tout, c'est la crise. Ben, notamment, pourquoi? Parce que si on regarde à ce moment-là, j'ai bien dit à ce moment-là, donc là, on est en 2009, quoi. Je sais plus quand est-ce que ça a pété exactement en Grèce, il y a eu le premier, enfin, quand ils ont fait appel à la Troïka, je sais plus, je les ai les dates, mais je ne sais plus où. Bref, en tout cas, à cette période-là, on peut regarder qui, finalement, les étrangers qui détiennent des titres de la dette publique. D'accord ? Et, par exemple, on voit que pour l'Espagne, d'accord ? Eh bien, ce sont surtout des banques françaises et des banques allemandes qui détiennent des titres de la dette publique espagnole. Des banques privées. Ouais, des banques privées, là, faudrait peut-être le préciser. Ce sont des banques privées, et c'est pas la France, c'est pas de la dette bilatérale, c'est des banques, c'est de la dette commerciale. Et c'est donc, là, on voit la France pour l'Espagne donc on est fin 2008, là, elle détenait 24% des titres étrangers de la dette publique, 24% pour l'Allemagne. OK? On est bien sur les détenteurs étrangers de la dette publique. Après, il y a des détenteurs intérieurs. Mais pour montrer que à ce moment-là, en fait, les banques françaises, allemandes, mais aussi dans une moindre mesure des Pays-Bas, là on voit qu'ils sont fort impliqués, mais aussi enfin la Belgique dans une certaine mesure, ils sont, comme on dit, exposés. D'accord ? Ils sont exposés parce que s'il y a un défaut de paiement, c'est leurs banques qui vont crouler. OK? Donc, je l'ai montré pour l'Espagne. Ça marche aussi pour le Portugal, où on voit que là, la France, elle détient 30%. L'Allemagne en détient 18%. Le reste du monde en détient 13%. Bon, bref, l'Irlande, 7%. La Belgique, 7%, etc. Et pour la Grèce, là, on arrive à 26% pour la France, 15% pour l'Allemagne, 10% pour l'Italie, 9% pour la Belgique. Non, ça c'est le reste du monde. Ok ? Donc tout ça pour expliquer quoi ? Pour expliquer que c'est ça aussi qui a expliqué l'agitation au moment de la crise et le fait que tout le monde était fort intéressé pour qu'on trouve une solution pour la Grèce. N'est-ce pas ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à la Troïka. Donc vous vous rappelez, on vient d'en parler, c'est le monstre à trois têtes là. Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international. Donc nous, on les appelle la Troïka, comme on appelait le FMI et qu'on continue à l'appeler, ce qu'on appelle les pompiers pyromanes, puisqu'ils viennent soi-disant vous sauver, faire les pompiers en vous prêtant de l'argent, mais à condition, n'est-ce pas, des passes. Plan d'ajustement structurel. Et donc là, on va avoir... Alors, c'est là que je sais pas où j'ai mis ces dates-là. Mais en gros, on a en premier lieu la Grèce qui chute et qui dit « Bah oui, moi, je peux plus me financer sur les marchés financiers parce que il arrivait... » Alors, je sais plus, je crois que c'est à 10 ans... Enfin, des titres de la dette à 10 ans qui arrivaient à du 30% de taux d'intérêt. Enfin, des trucs que c'est... impossible pour un État d'emprunter de l'argent à ces taux-là. C'est vraiment impossible pour eux. Bref, ils se retrouvent entre guillemets, coincés, même si évidemment ils auraient pu faire un autre choix, par exemple ne pas payer la dette. Mais à ce moment-là, ils disent, nous, pour continuer à nous financer, on a besoin de quelqu'un. Et donc, on décide au niveau européen que ce sera la Troïka qui prêtera de l'argent, d'accord ? Et elle dit, je vous prête à condition de plan d'austérité. Ok ? Et donc, juste dans les plans d'austérité, même si je pense que c'est assez clair pour tout le monde et que vous connaissez plutôt bien ça, revenir sur les trois, on va dire, trois grands axes de ces plans d'austérité. D'un côté, on dit on augmente les recettes, mais pas n'importe quelle recette, surtout la TVA, qui est le plus injuste. Alors j'ai quelques chiffres là, il y a eu plus de points en Espagne, en Grèce plus 2, en Hongrie plus 5, en Lettonie plus 4, en Roumanie plus 5 points d'augmentation de la TVA. Et donc ça, c'est des chiffres qui datent en plus d'il y a quelques mois, et donc il y a sûrement de nouvelles mesures qui sont passées là-dessus. Ça passe évidemment par la baisse de dépenses, mais surtout de dépenses dans ce qu'ils appellent les budgets non productifs, n'est-ce pas ? Donc, ce qu'ils appellent les budgets non productifs, c'est le social, la santé, l'éducation. Et donc là, évidemment, ça passe par le licenciement massif. Donc là, c'est des vieux chiffres, mais en Grèce, on disait qu'il y avait une baisse de 150 000 fonctionnaires sur 700 000, la suppression des 13e et 14e mois, le gel des salaires. Évidemment aussi des diminutions de prestations sociales. Il y a eu des diminutions de pensions en Roumanie, en Grèce, des gels de pensions en Espagne, en Portugal. Il y a eu la suppression, la limitation dans le temps des allocations chômage, un gel au Danemark, la diminution de 15% des allocations chômage en Roumanie. Voilà, je vous fais un peu la litanie. On pourrait revenir sur des cas vraiment très précis, mais l'important, c'est de comprendre la logique globale, c'est que tout le monde prend cher. Et enfin, le troisième axe, c'est la privatisation. Et là, ça concerne aussi beaucoup, pas que, mais beaucoup la Grèce, où on leur a demandé de privatiser pour 50 milliards d'euros. Et donc, ils sont en train de vendre tous les bijoux de famille, donc télécom, je ne sais plus, tout ce qu'ils sont en train de... Il y a les transports, énergie... Et notamment là-dessus, je vous conseille Catastroïka, je ne sais pas si... Enfin, je dis toi, Dominique, je sais que tu as vu. Mais donc, il y a un documentaire qui a été fait par des militants et qui revient sur toutes les privatisations massives qu'il y a déjà eu dans l'histoire, en Russie post-soviétique, en Angleterre sous Thatcher, etc. Et qui montre comment ils sont en train de vendre les bijoux de famille en Grèce. Voilà, donc ça c'est un peu l'essentiel à comprendre, sauf que évidemment, je me doute que alors là c'est évidemment revenir sur le fait, mais je pense que tout le monde est convaincu que en plus sur le plan économique, l'austérité ça ne marche pas, n'est-ce pas ? Parce que ça n'amène que de la récession, puisque pour que la machine de la continue à tourner, on a besoin de croissance dans ce système tel qu'il est. Et donc que l'austérité, ça tue la croissance, et donc à un moment donné, ça permet pas de croître, et donc de baisser sa dette publique, bien au contraire. Donc en plus, évidemment, c'est pas efficace. Et d'ailleurs, c'est très rigolo de voir que actuellement, le FMI est en train de féliciter l'Islande parce que ils ont arrêté de rembourser, mais ils sont en train de les féliciter parce qu'ils sont en train de retrouver la croissance. Ils sont, je crois, à du 2% quelque chose de croissance. Donc, ils disent, c'est très, très bien, bravo l'Islande. Mais si on regarde ce qu'a fait l'Islande, elle a surtout refusé de payer la dette publique aux créanciers privés. Voilà. De payer, pardon, les dettes privées et de les transformer en dettes publiques. Tac, tac. Alors, ouais. Alors là, si vous voulez, on peut rentrer vite fait dans du un peu plus costaud. C'est l'histoire, mais je pense qu'on va devoir, parce que Thierry, ça correspond à ta question. Oui, il n'y a pas de souci. Désolée, c'est moi, je suis un peu... Alors... Ouais, salut, hein. Ok. Sauf qu'il y a un moment donné, les banques privées, là, elles commencent à avoir vraiment très peur et elles essayent de se débarrasser, n'est-ce pas, de leurs créances. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la dette publique, on a un marché primaire, donc comme un magasin de neuf, comme aller à la FNAC, et on a un marché secondaire, c'est-à-dire un marché de l'occasion. On a les brocantes de la dette publique, d'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez être une banque qui achète un titre de la dette publique et qui dit « Merde, je commence à avoir quand même beaucoup de titres de la dette grecque, ça commence à sacrément puer, ce serait bien que j'essaye de m'en débarrasser. Okay ? Pour ça, il peut aller sur le marché secondaire de la dette, d'accord ? L'occasion de la dette. Donc une banque privée, elle peut venir ici le vendre. Sauf que, évidemment, là ça va gros dos, mais en tout cas, ce qu'il est important de retenir, c'est sur ce marché secondaire, forcément, on va pas vous racheter un bon de 1000 à 1000, on va pas vous le racheter 1000, parce qu'actuellement, il y en a beaucoup qui se disent « Ah ouais, mais ton truc, vraiment, ça pue, quoi, j'en veux pas, quoi. » Donc, sauf que, il y en a qui ont compris un truc fantastique. C'est que la BCE, pendant longtemps, et puis elle a arrêté, et puis elle est en train de le refaire, elle a dit « je veux bien racheter, moi, des titres de la dette publique ». D'accord ? Sauf qu'elle a dit « moi, je veux bien les racheter avec une décote de 20%. » Ça veut dire, si j'ai un titre qui vaut 1000, d'accord ? Je veux bien vous le racheter à 800. Ok ? Et c'est là qu'il y a des petits malins, ils ont dit « ok, mais moi, sur le marché de l'occasion, en fait, le titre, il vaut plus que 400. À un moment donné, c'était à peu près ça, quoi. Mais bon, c'est schématique, hein. Et puis, ça, vous voyez, ça change tous les jours, tout ça. Mais bref, ça valait plus grand chose. Il n'y a pas grand monde qui voulait racheter de ce bazar-là. Sauf qu'il y a des, ce qu'on appelle les zinzins, n'est-ce pas? Les investisseurs institutionnels, d'accord, qui sont en fait un peu tout agent, des banques d'investissement peuvent être considérées comme des zinzins, des hedge funds peuvent être considérés comme des zinzins, des fonds de pension, etc., etc. Eux, il y en a, donc parfois c'est les mêmes, hein, on dit banque privée, zinzins, mais en fait c'est les mêmes. Mais eux, ils se disent, tiens, mais attends, je peux racheter sur le marché secondaire et puis aller revendre à la BCE. D'accord ? Donc, ils se refont en plus un petit bénéfice là-dessus. Ils rachètent, ils disent « Ok, je rachète à 400, ton truc qui valait 1000, et puis je vais me le refourguer à la Banque Centrale Européenne à 800. » Et donc, c'est pour cela que... Mais oui, parce qu'ils tricotent pas mal de leur côté, hein, ça cogite bien. Il y a que des tarés à la BCE ? Idéologiquement, ouais, il y a que des tarés, ouais. Ouais, c'est ça. Non, le 400, c'est le 400. Hein? Le 400. Ah oui, alors le 400, en gros, il est un petit peu compliqué, mais il y a un calcul. En gros, si tu veux, sur le marché secondaire, ils font quoi? Ils disent, d'accord, ce titre, il a été acheté à du 6%, à un bon de 1000, mettons, à du 6%. D'accord? Mais aujourd'hui, le taux, il est de 15%. D'accord ? Sauf que moi, je veux garder mon rendement. Je veux être sûr que j'obtienne bien les sous que du 1000 à 6%, quoi. Donc, ils font un calcul qui leur permet d'être sûr de maintenir ce rendement-là, de maintenir ce profit-là, si tu veux. Et c'est comme ça qu'ils disent, bah moi, suivant ce calcul, je te veux bien te le racheter à 420 euros, vu qu'aux conditions actuelles du marché, ça me permettra quand même de garder le même rendement. Et pourquoi est-ce qu'ils revendent après à la Banque Centrale ? Mais parce qu'ils savent quand même que c'est fort pourri et que la Grèce, il y a des chances pour qu'elle ne rembourse pas. Et quand elle voit que la BCE est prête à le racheter à du 800, elle se dit bah ok, je fais du bénéfice direct et je m'enlève le risque que j'encours en gardant ce titre de la dette. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là-dedans et là-dedans, éventuellement, c'est les mêmes, d'accord ? Et que donc, en fait, bien sûr, une banque, elle détient plein de titres, de plein de trucs, et que, en gros, elle essaye d'avoir le moins de risques possible, ou bien de prendre à un moment donné beaucoup de risques, mais en faisant beaucoup de profits. Bref, elle fait que de faire des calculs en disant, ok, là, il y a moyen de se faire de la thune maintenant, très vite, paf, j'achète, paf, je revends. D'accord ? Et évidemment, c'est elle qui gère son risque en fonction de son portefeuille, et à un moment donné, elle va dire, et c'est là aussi que joue la spéculation et tout, parce qu'elle va dire, non, mais laissez tomber la dette portugaise, là, ça va s'écrouler, et paf, ils revendent tout juste avant, et en effet, prophétie auto-réalisatrice, ça s'écroule, quoi. Ouais. S'ajoute, si je ne me trompe, qu'ils ont aussi des... Il faut assurer Il y a un système d'assurance des prêts. Ouais, c'est qu'en plus là-dessus, ils s'achètent ce qu'on appelle des CDS, des Credit Default Swaps. Ça veut dire que je peux dire j'ai un titre de la dette publique, d'accord, mais je dis que au cas où il y a un défaut de paiement, au cas où la Grèce ne paie pas, alors je paye chaque mois à une compagnie d'assurance un petit peu de sous pour que en cas de défaut de la Grèce, ils me payent ça. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces CDS, donc ces assurances, c'est une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que c'est, par exemple, ce qui s'est passé avec les subprimes. D'accord? Avec les subprimes, bon, mais ça va être compliqué. En gros, ils détenaient des CDO. Voilà. Donc c'est un autre type de titre. D'accord? Ils détenaient ça. Ils détenaient, en gros, des prêts hypothécaires, on va dire. Donc de subprimes, liés aux subprimes. Et là-dessus, ils ont dit, au cas où on se fasse pas rembourser, on achète des CDS, on achète des assurances au cas où on se fasse pas rembourser. Sauf que le château de cartes, si vous voulez, s'est écroulé et que, en fait, tout le monde est venu vers la compagnie d'assurance, enfin, vers les compagnies d'assurance et notamment AIG. Vous avez entendu parler au moment de la crise que AIG, la grosse compagnie d'assurance états-unienne, a failli couler, mais a été sauvée par l'État, par les États-Unis. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde est venu frapper à la porte d'AIG en disant « Eh, tu te souviens, j'avais pris une assurance, moi, là-dessus. Hein. Si ça se cassait la gueule, j'ai mon assurance, moi, on est d'accord. » Sauf que AIG a fait « Oui, d'accord, tiens, ouais, mais en fait, les gars, j'ai pas du tout assez pour payer toutes les assurances à tout le monde. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'assureur qui a dit « Bah, ok, j'avais vendu plein d'assurances, mais moi, j'ai pas la thune, en fait, j'ai pas les sous à donner à tout le monde, quoi. » Et c'est là qu'il a dû être renfloué par les États-Unis. Et donc, évidemment, sur la question des titres de la dette européens, il y a énormément de ces CDS, et on ne sait pas exactement, mais ça se revend aussi chaque jour, ça se rachète. Et si, à un moment donné, tu as un truc qui pète, bah, ça va retomber sur des compagnies d'assurance sur des compagnies d'assurance qui ont vendu ce bazar-là, quoi. Et donc, en bout de course, et c'est ça le problème, en bout de course, en général, actuellement, sur le public, puisque actuellement, les États renflouent à chaque fois qu'il y a que la machine pète. Ce serait bien que pas cette fois-ci, mais qu'il y a un peu des explications, j'aimerais bien comprendre comment se justifie cette logique permanente de renflouement des banques, à part l'argument qu'on peut dire oui. C'est-à-dire que c'est le quota des banques, donc ils s'arrangent pour que les gens des banques ramassent sur leur pognon, mais ça me semble un peu court, comme... Comment c'est justifié économiquement, quoi. C'était de la peur du risque systémique, puisque si tu as une banque qui s'effondre, tous les avoirs d'autres banques, d'autres fonds spéculatifs ou d'autres invins qui correspondent à des actions de cette banque ou à des actions de choses que détient cette banque vont s'écrouler aussi. Ben non, non. Oui, ça veut dire que sur le bilan, tu vas avoir pas mal de compagnies de banques qui vont s'effondrer. Et à la suite, enfin, si on imagine des dominos en cercle, si tu veux, il y en a un peu, celui au centre qui tombe et après ça chute. Oui, mais je pense qu'il y a. Il y a les grosses banques privées belges. Mais c'est la finance mondiale qui s'effondre. C'est cool. Qu'est-ce qui se passe pour la. Mais sauf que ce qu'il y a, c'est que. En effet, ce qui est compliqué et ce qui est vicieux et ce qui est le produit de la libéralisation, c'est que, et ce qui est très chiant en fait, pour nous-mêmes dans les mouvements sociaux, mais là peut-être que Dominique tu pourrais plus en parler parce que tu connais pas mal, mais c'est que en effet maintenant, au-delà, on est d'accord que des détenteurs de la dette privée, des petits épargnants, il y en a presque pas. Sauf que via les fonds de pension, et via ces compagnies d'assurance qui prennent sur l'épargne des petits contribuables, là, évidemment, ça pourrait avoir des répercussions sur les petits, quoi. Notamment, enfin, moi, je sais pas assez là-dessus, mais sur les fonds de pension, je pense que ça pourrait être vraiment. Non. C'est emblématique en Allemagne parce que ça a été fait de façon très forte et parce que comme à la base ils avaient déjà une économie très puissante, si tu veux, ça a été très bénéfique pour eux. Ça leur a permis de maintenir une croissance importante, etc. Mais c'est vrai pour, de toute façon, la plupart des économies au nord, quoi. Enfin, au nord de l'Europe, je veux dire. Et notamment, la Belgique est plutôt dans ce cas de figure. Mais la France, par contre, pas trop, quoi. Ouais, voilà. Donc ça dépend des pays, mais c'est vrai que de manière générale, pour les pays genre les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et je pense quelques autres aussi, des pays scandinaves, quoi que, si, sûrement, ça reste vrai. Et merde, je voulais redire un truc par rapport. Ouais, moi aussi, ouais. C'est le discours que l'ANR se tient. Ouais. Il faut sauver le petit épargnant. Ouais. Mais après c'est en effet idéologique, quoi. Oui, c'est la justification, mais donc moi, je voudrais savoir, ok, petit épargnant, j'ai 53 ans, j'ai un peu d'argent sur mon compte Fortis, ça veut dire que je perds cet argent-là. Oui, mais celui qui a 10 fois plus, il se considère comme petit épargnant aussi. Celui qui a 1000 fois plus, oui, c'est ça. Je dis pas que c'est moi, mais il se considère comme... Donc l'effet principal, c'est la chute de l'épargne. C'est l'épargne et... Si tu crées un chaos aussi, le problème, c'est qu'ils savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas. Les mains brodeurs, ils l'ont laissé couler, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que c'est une ampleur pareille. Quoi. C'est tellement enchevêtré, toutes les banques ont tellement des actions les unes des autres, etc. Si tu en laisses tomber, c'est assez Sauf que ça peut donner le sentiment. Oui, mais ça. Mais oui, c'est ça le truc. Si la Belgique, par exemple, avait laissé tomber certaines banques, mais qu'elle avait, en effet, comme elle le disait, maintenu assuré pour les petits épargnants, bah, qu'est-ce qui se serait passé? Je sais pas. Moi, je pense pas tant de choses que ça, quoi. Ce qu'il faudrait regarder aussi, c'est, et je sais que notamment, il y a, je crois que c'est Xavier Ducpré qui a écrit un article très intéressant là-dessus. C'est sur comment on a fonctionné au moment de la crise dans les pays scandinaves, notamment en Suède, dans les années 90, il y a eu une crise bancaire aussi. Et eux, ils ont fonctionné vraiment différemment, et notamment, ils ont beaucoup plus choisi de faire payer les actionnaires et de dire les actionnaires. Vous, vous prenez cher. Les grands actionnaires, il n'y a pas de problème. Les actionnaires, de manière générale, il n'y a pas de problème, quoi. Vous, c'est à vous de payer cette crise bancaire. Et c'est pas au peuple, quoi. Et donc, ça passe par plusieurs mesures. Et je vous invite à lire cet article-là parce que je vous avoue que je me souviens plus de tout. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'il y a sauver une banque et sauver une banque, déjà. Et puis, il peut y avoir le choix aussi, à un moment donné, d'en laisser tomber certaines, mais en prenant des mesures qui bloquent l'hémorragie, et d'en sauver d'autres, mais comment on les sauve? C'est ça la question, quoi. Est-ce qu'on la sauve en prenant sur le grand actionnariat, et en reprenant réellement les rênes de la banque? Parce que, où est-ce qu'on fait comme Belfius? C'est-à-dire, oui, je l'acquiers à 100%, mais je laisse les mêmes gens diriger et la même logique d'entreprise, et j'en fais pas un réel outil public. Parce que juste pour revenir là-dessus. Et ce serait pour nous une mesure qui irait pas assez loin, parce qu'elle remettrait pas en question l'illégitimité de la dette. Mais, quand même, un argument qui peut être intéressant de voir, c'est que, on est d'accord qu'une banque centrale, elle prête aux banques privées, qui prêtent aux États européens. Parlons d'une banque privée qui fonctionne, mais qui est détenue à 100% d'accord par l'État, Belfius. L'État belge, il pourrait très bien, il pourrait le faire, dire, sans du coup détourner les règles, il pourrait dire, ok, moi je dis à Belfius d'emprunter tant à du 1%, et je dis à Belfius qui me prête cet argent à du 1%, vu que je la détiens, cette banque. Eh ben, ils ne le font pas. Mais oui, mais justement, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Elle l'empêche de faire ça. D'accord? Elle n'empêche pas de faire ça. Or, Belfius, c'est ça, mais c'est détenu par l'État. Et donc, il pourrait très bien faire le choix de dire, ok, je vais emprunter à la Banque Centrale Européenne, et je dis à Belfius, puisque je la détiens et que je suis l'actionnaire majoritaire, tu me prêtes cet argent à du 1%. Et là, pourquoi ils ne le font pas? Alors là, je suis désolée, mais à part l'idéologie, c'est vraiment qu'ils partent du principe que le crédit, ça doit être détenu, ça doit être une affaire du privé. Ils disent que c'est le privé qui gère mieux le crédit. Et ça, c'est notamment depuis 73, donc avec Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, donc qui a décidé cette loi-là, et ça a été étendu, et on s'empêche de faire ça, et on considère que les banques, le crédit, c'est trop dangereux de le confier au public. C'est quand même le pompon, quoi. Ouais. Oui, alors après, évidemment. Ben oui, ou on peut aussi se dire que forcément un Mario Monti ou un Mario Draghi qui était avant à Goldman Sachs, qui passe à des responsabilités dans le public et qui retourneront dans le privé ensuite comme beaucoup l'ont fait, ils ont tout intérêt à ce que la machine elle continue à tourner dans ce sens-là. Oui, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on nous arrivions à comprendre que les mesures prises par les capitalistes ne vont pas tuer le capitalisme. Donc à un moment donné, il y a des logiques chez eux. C'est ces logiques-là qui sont à piger. Je voudrais bien comprendre, par exemple, pourquoi, parce que je ne comprends pas la justification que je donne, pourquoi est-ce qu'on a voté cette mesure qui empêche la BCE de prêter directement aux États. Alors, tu sais que c'est lié au titre de l'Allemagne, moi j'entends que c'est la. Principalement l'Allemagne, c'est par rapport à la cause de l'inflation. Oui. Il y a une phobie de l'inflation qui est liée aux années 30, parce que tout ça, c'est juste la justification qui cache bêtement et de manière très claire des intérêts capitalistiques à court terme d'enrichissement et tant pis s'ils vont ou est-ce qu'il y a des logiques économiques qui tiennent la route d'un point de vue libéral sur lesquelles nous, on peut contre-argumenter quelque chose. Mais j'ai pas, j'ai l'impression, ouais, mais juste, ouais, ouais, mais juste, ouais. Moi, juste, j'ai l'impression qu'en ce moment, en formation, c'est toujours cette question qui revient finalement, c'est, mais est-ce qu'ils sont vraiment cyniques? Ou est-ce que, et alors moi, du coup, moi, je crois qu'il y en a une partie, ils sont vraiment cyniques. Et puis, il y en a une partie, je pense vraiment, qu'ils sont convaincus, on a tellement baigné, même si tu regardes sur le plan académique, universitaire, que tu fais des études d'éco maintenant, enfin, tu peux pas être autre chose que libéral, puisqu'on te fait, enfin, si, heureusement, qu'on réussit à en choper quelques-uns. Mais je veux dire, on t'amène à penser que la vie, c'est comme ça. C'est l'idéologie libérale. Quand on ne te présente pas de contre-modèle, tu vois, déjà, tu as tendance à te dire, bah, c'est la voie, quoi. Et puis, évidemment, moi, je crois qu'il y en a qui sont cyniques, oui, et qui jouent leur jeu. Et voilà, après, quelle proportion de cynique, quelle proportion de dogmatique, je ne sais pas. Mais et après, d'un point de vue capitaliste aussi, je crois qu'on ne doit pas... le capitalisme, ce n'est pas une sphère, ce n'est pas un bloc. Et c'est des intérêts... divergents parfois qui se cassent sur la gueule et que dans la crise on nous dit parfois mais vous voyez bien c'est le secteur du privé aussi qui se casse la gueule mais les capitalistes ils s'en foutent parce que une entreprise qui se casse la gueule c'est le moyen de la racheter, c'est le moyen de reconquérir un marché, c'est et donc il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent, mais pour eux et selon leur vision du monde c'est comme ça que ça marche, l'homme est un loup pour l'homme et il y en a qui bouffent d'autres et très bien, tant mieux puisque de toute façon le marché va s'auto-réguler et que en bout de course tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Juste dire, pour avancer dans son sens, qu'en fait, il y a un certain nombre d'individus qui sont ou cyniques et arrogants, ou baignés dans une idéologie ultralibérale, mais il y a aussi un certain nombre d'individus, cadres supérieurs, banquiers, etc., qui estiment que la nature humaine est ainsi faite. Ils n'ont plus de vision historique, etc. Plutôt leur vision historique est limitée à leur idéologie ultralibérale et ils pensent que la nature humaine est ainsi faite et c'est leur seule explication au problème. Oui, oui, non, mais clairement, pour certains. En tout cas, autour de nous, je pense que sans aller dans les cadres de banques, etc., il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont dans ce sens-là et qui disent de toute façon. Le monde, il tourne comme ça, et il y en a qui... Il y a des baiseurs et des baisers, t'as intérêt à être du bon côté de la barrière, quoi. Ouais. Pour dire, c'est tellement pernicieux que même nous, les gens de la société civile, nous prenons nos petites économies, nos essayer de rentabiliser nos épargnes. Donc, quelque part, on ne peut pas pouvoir nous rappeler d'un fonds de solidarité. Non, pas uniquement. Oui. Mais je dis, dans la majorité de la population, vous avez des gens qui sont de même niveau, je vais dire, sociaux, et qui jouent en bourse depuis chez eux par leur petit ordinateur en allant dans un code à la banque et ils investissent leurs petites économies. Donc, on l'a vu récemment dans les médias, des petits actionnaires de 25 000 euros perdaient tous leurs bénéfices parce qu'ils avaient été joués à ce genre de petits jeux. Donc, quelque part, nous sommes un peu coupables aussi. Je refuserais de parler de culpabilité, mais que ça montre à quel point, en effet, dans les mouvements de résistance, on est... Enfin, on est faible et on s'est affaibli et qu'on a sacrément besoin de se recréer une autre façon de voir le monde, etc. quoi. Parce que mais juste de parler de culpabilité, je trouve que dans une certaine mesure, pour moi, ça fait comme le coup de l'ampoule électrique qu'on doit mettre basse consommation ou quoi. Oui. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Vas-y, Dominique, et après, je finis juste par vous montrer une petite vidéo, et puis c'est bon. Vous avez la culpabilité, la dette, en amont, c'est la même chose. Oui, oui. La faute, la dette, c'est des choses. C'est pas une faute, que la dette, en Europe, est utilisée exactement comme ça, pour générer des inégalités dont le système capitaliste ne peut pas avoir besoin pour se développer. Je voulais revenir sur la possibilité d'emprunter qu'un État emprunte directement dans c'est d'autant plus absurde que ça ne puisse pas être le cas en Europe qu'au Japon, quand ils ont eu la catastrophe de Fukushima, ils ont besoin tout de suite de 200 milliards d'euros, de dollars ou de yens, et ils ont tout de suite emprunté à la banque centrale sans problème. Ça a créé l'inflation, tous les Japonais ont contribué au prorata de ce qu'ils avaient en caisse, donc les riches ont contribué beaucoup par de l'inflation qui les a touchés, et les pauvres ont contribué relativement peu. Ici, c'est contre cette égalité de traitement dans une participation en fonction de son capital à des catastrophes comme celle-là qu'on ne veut pas fonctionner. Yeah. Ouais. Mais juste par rapport à ce que dit Dominique, nous on était en week-end de formation aux outils et supports pédagogiques qu'on a, puisqu'on en a sur plusieurs questions, sur les subprimes, sur la crise de la dette au sud, etc. Et on se disait que créer un outil qui permette, de créer un outil qui permette de revenir sur cet argument moral, ce serait très important, parce que moi je crois que ce qu'on démontre comme ça, quand on montre tous ces mécanismes, ok, ça permet à l'intellect, disons, à la raison, de se dire, bah, ok, en fait, quand on dit qui paye ses dettes s'enrichit, c'est de la couille. C'est faux, puisque, en fait, c'est qui paye ses dettes s'appauvrit pour moi et enrichit Jojo. Mais je crois que ce serait intéressant d'avoir quand même des outils qui permettent de travailler sur cette question culturelle et morale, quoi. Et notamment, je sais plus, moi, j'avais lu qu'en gros, on a vraiment instauré cette valeur morale de liée à la dette. À partir d'un moment, je crois que c'est l'Église qui a incorporé ça, parce qu'il y a trop de gens qui commençaient à pas payer leurs dettes et tout, et alors du coup, ils ont dit, bah, faut qu'on mette quelque chose de moral derrière ça pour dire vraiment, c'est essentiel, c'est sur cette confiance que repose toute la société, etc. quoi. Et on y voit vraiment comme une règle d'or. Comme une règle d'or sans remettre en question ce qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire que il y a des questions de classe sociale derrière cette dette, il y a plein de choses qui se jouent, quoi. Merci. Si jamais vous voulez, j'ai des documents qui reprennent un peu ce que j'ai expliqué. Il y a des bouquins aussi, si jamais vous êtes tenté d'en acheter. Et c'est tout. Et voilà. Merci. Non, de rien. C'est pas pour...